Kerouan. Et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama. Voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran. Dans mon île, ah, comme il fait doux. Dans mon île, près de ma doudou, sous les grands coquetiers qui se balancent. Silence, nous rêvons de nous. Dans mon île, un parfum d'amour se faufile dès la fin du jour. La courbe tendant ses bras dociles, douce et fragile, dans ses